الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. En ce jour, nous allons rentrer, inshallah, dans le hadith Arabia, le quatrième hadith, qui lui tourne autour du fait que les actions sont basées sur leurs termes. Quelle est la fin de l'homme par rapport à ses actions? Qui est le hadith d'Ibn Mas'ud. Où il dit, قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا الحسن بن ربيع حدثنا أبو الحوص الأوحص عن الأعمش عن زيد بن وهب قال عبد الله حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصادق المصدوق فقال إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عن الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق على الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها الحديث متفق عليه. Donc la traduction serait approximativement que Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu aurait dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qui est le véridique, celui qu'on ne peut démentir, nous a rapporté que l'un d'entre vous, sa création est formée dans le ventre de sa mère durant 40 jours en état de goutte, c'est-à-dire une goutte de sperme. Ensuite, il devient une adhérence du même période, c'est-à-dire 40 jours. Ensuite, il devient un embryon d'une même période, c'est-à-dire toujours 40 jours. Ensuite, Allah, subhanahu wa ta'ala, envoie un ange qui insuffle le souffle de vie et à qui il est ordonné d'écrire 4 paroles qui sont sa subsistance, son terme, c'est-à-dire son temps de vie, ses œuvres et sa fin, c'est-à-dire ce qui sera parmi les heureux ou les malheureux, les gens de l'enfer ou les gens du paradis. Alors par celui dont il n'y a pas de divinité autre que lui, c'est-à-dire digne d'être adoré autre que lui, certes, l'un d'entre vous œuvrera des œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il ne soit entre lui et le paradis une coudée. Alors il sera devancé par son livre. Et il œuvrera parmi les œuvres des gens du feu, et il y entrera. Et que l'un d'entre vous œuvrera des œuvres des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il ne soit entre lui et entre l'enfer qu'une distance, une coudée. Ensuite, il sera devancé par son livre, c'est-à-dire le destin. Alors il œuvrera par les œuvres des gens du paradis, et il y entrera. Le hadith est les muttafaqun alayhi. Et ce hadith est parmi les principales preuves de la croyance au destin. Comme nous l'avons pris dans le hadith de Jibril, que parmi les conditions, yani parmi l'iman, il y a l'iman billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa bil yawm al-akhir, wa bil qadr, khayri wa sharrihi. Le fait de croire au destin qui sont bons ou mauvais. Et ce hadith-là vient confirmer cela, que chacun a des œuvres qui lui sont déjà écrites et prédestinées. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà tout décrété. Donc là, le shir, dans le livre, il y a un décalage encore. Donc il dit, قولوهو حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصادق المصدوق, que le messager nous a rapporté et qu'il est le véridique, celui qu'on ne peut démentir. هذا بيان لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء عن بعضهم قال حدثنا البراء وغير المكذوب وأيضا هو بيان لما عليه البراء فليس معناه قصد التعديل في هذا الموضوع وإنما ذكر ما هو حاصل وما هو واقع وكان يلقب بالأمين أو الصادق الأمين يعرف مشرك قريش وغيرهم. Donc il dit qu'il s'agit de là d'un éclaircissement de ce sur quoi est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il dit m'a rapporté le message d'Allah, le véridique qu'on ne peut démentir. Et il est venu dans d'autres versions qu'il a été dit m'a rapporté, on va dire, l'innocent, celui qui ne ment pas. Et cela, la parole d'Ibn Mas'ud, le but de la parole d'Ibn Mas'ud, ce n'est pas l'éloge. Mais tout simplement de démontrer, il y en a la réalité des choses, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est connu pour être de la sorte, véridique, de confiance. Il était d'ailleurs surnommé comme étant le digne de confiance, le véridique, et que les mouchikouns de Quraysh le connaissaient, autre que lui. Depuis avant la venue de la prophétie, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était connu pour sa véracité. Donc le but là, lorsque Ibn Mas'ud, il dit Sadiq al-Mazdouq, c'est du fait qu'il va venir avec un hadith immense qui parlera d'une chose qui est dure à croire. La chose qui va venir dans le hadith est dure à croire pour celui qui n'a pas reçu le tawfiq min Allah et qui n'a pas de sincérité en lui. Car il s'agit de quoi ? Des choses reliées à l'invisible, au monde de l'invisible. Ensuite il dit قَوْلُهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمِعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ, que l'un d'entre vous, sa création est formée dans le ventre de sa mère. Al-batn yahwi al-am'a wa yahwi ghayr dhalika walakin al-maqsud huna ar-rahim. Donc le ventre, c'est ce qui regroupe les intestins, toutes ces choses-là. Mais cependant, le but là visé dans ce hadith, c'est l'utérus. Ce n'est pas le ventre lui-même, mais c'est l'utérus de la femme. Qawluhu 40 yawman, 40 jours. Que la goutte de sperme deviendra alors une adhérence après 40 jours. Que par la suite, il deviendra une adhérence dans une même période, c'est-à-dire de 40 jours. Que là, l'adhérence, il s'agit d'une substance sanguine, quelque chose qui est... Il y a une, composé de sang, cependant qui est coagulé. قوله ثم يكون مدعاً مثل ذلك. Ensuite, il devient un embryon en une même période, c'est-à-dire de 40 jours. أي دم مثل اللحمة الممدورة سيكون 120 يوما ثم بعد ال 120 يرسل الله الملك فينفخ فيه الروح. Donc, c'est-à-dire un embryon comme sous l'apparence d'un bout de chair mâché, comme un bout de chair qu'on aurait mâché. Donc tout cela équivaut à combien ? À 120 jours. Et après cette durée, Allah subhanahu wa ta'ala envoie l'ange qui lui insufflera le souffle de vie. Wa ala dal hadith tubna ahkam annahu idha saqata al janin ba'da dil fatrati yughassal wa yukaffan yusalla alayhi wa annahu idha asqatuhu amdan Fatra, ou plutôt on va s'arrêter là. Non. Donc ce hadith sur lequel se basent des règles, des rites. Que si jamais le fœtus, là on parle du fœtus qui a déjà eu le souffle de vie, après les 4 mois. Si jamais il se passe une fausse couche, après les 4 mois, alors le corps de ce fœtus, si jamais par exemple on dit qu'il a été récupéré, doit être lavé, il doit être embaumé du linceul funèbre, le kafan, et on doit accomplir la salat sur lui. Salat et janaza. Là, dans le cas où il y a une fausse couche. وَأَنَّهُ إِذَا أَسْقَطُوا عَمْدًا بِغَيْرِ بَعْدَ ذِي الْفَتْرَةِ فَإِنْ خَرَجَ مَيِّتًا مِنْ أَثَرِ الدَّرْبِ أَوْ قَتَلُوهُ بَعْدَ ذِي الْفَتْرَةِ بَعْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِي الْقَوَادِ وَإِنَّ قَتْلَهُ خَطَأٌ وَإِنْ قَتَلُوهُ خَطَأً وَإِنَّمَا إِذَا أَرَادُ دَرْبَ أُمِّهِ وَخَرَجَ مَيِّتًا فَفِي غُرَّةْ عَبْدْ أَوْ أَمَاهُ وَمَا يَكُمُ مَقَوْمَ ذَلِكَ. Donc il dit que si jamais par contre cet enfant sort décédé, c'est-à-dire après les 4 mois, pour conséquence à la suite de coups, un mauvais coup, ou alors qu'il ait été tué après les 4 mois, c'est-à-dire un avortement, qu'il a été tué volontairement, alors il y a le qisas, le talion, Certains gens de science disent que cet enfant a droit au talion, un nefs ou bin nefs. Et que si jamais il était tué par erreur, comme on dirait une bavure, et que par exemple un homme ou une personne quelconque a seulement voulu s'en prendre à la mère en la frappant, et qu'à la suite de ses coups, l'enfant dans le ventre en est décédé, alors lui, certains disent que c'est Rurat Abd Awama, c'est-à-dire, comment on dirait cela, la moitié du dixième de l'expiation pour le fait d'avoir tué un esclave, homme ou femme. Il faut déterminer le prix du sang d'un esclave, homme ou femme, et de là, on prend la moitié du dixième de cette expiation pour l'enfant, on va dire le fœtus, qui aurait été tué volontairement. Ou plutôt, Afwan, qui aurait été tué par erreur dans le ventre de sa mère. Ça, c'est encore un autre sujet de fiqh qui mérite plus d'études. Là, n'est pas le sujet du hadith. ثم قال وإن خرج حيا ومات من أثر ذلك الضرب فنقل ابن عبد البر الإجماع أن فيه الدية كاملة هذه بعض الأحكام على هذه المسألة. Donc si par contre il sort vivant du ventre de la mère, cependant il décède à la suite du choc subi dans le ventre de sa mère, alors Ibn Abd al-Barr al-Qurtubi lui rapporte qu'il y a unanimité des savants qu'on doit payer le prix du sang entièrement. Également que cet enfant, s'il sort, s'il décède après les 4 mois, parmi les choses auxquelles il a droit, comme nous l'avons dit, qu'il soit lavé, qu'il soit embaumé dans le linceul funèbre, le kefen. Également, on fait la salade sur lui. Également, il a le droit d'avoir un prénom. Il faut qu'il soit nommé. Et aussi, à ajouter, qu'il a droit à sa akeka. Qu'il a droit à sa akeka. Si c'est un garçon, c'est 2 bêtes. Et si jamais c'est une fille, c'est une seule bête. Non. Tout cela vient si cet enfant venait à mourir après les 4 mois, dans le ventre de sa mère. Ensuite, le chir poursuit en disant « وَيَكُونُ كَدْ صَوَّرَهَا وَيَكُونُ الْمَلَكِ قَدْ عَرَفَ ذَلِكَ بِحَسْبِ مَا أَعْلَمَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ وَمَا أَطْلَعُ اللَّهُ عَلَيْهِ » Donc, c'est-à-dire que là, l'ange envoyé saura du fait que Allah l'en aura enseigné. Car c'est Allah qui lui aura dit. Personne ne sait si c'est un garçon ou une fille, ce n'est Allah. Avant cette période-là. Des gens ont beau aller faire des échographies et faire un tas d'examens, personne ne peut savoir s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille, au-delà de la période décrétée, il se met Allah subhanahu wa ta'ala. Et même en faisant des échographies, après les 4 mois, plus d'une fois il a été vu que cela était. On a vu des erreurs. Et, par exemple, ils disent c'est une fille. Et en fait, ben, c'est un garçon. Ou ils disent c'est un garçon, ben non, en fait, c'est une fille. Ces choses-là ne sont pas fiables à 100%. Ce sont des causes. S'il y a besoin que la femme aille faire un examen médical pour savoir si l'embryon se porte bien, elle peut. Mais cependant, Shir lui dit que aller chez un docteur spécifiquement pour savoir s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille, juste pour cette cause-là, cela n'est pas permis. Pourquoi ? Parce que l'échographie, c'est le taswir. L'échographie rentre dans le taswir, zawat al-arwah, le fait de représenter une image d'un être doté d'une âme. Comme une photo ou comme le fait de filmer. C'est le même sujet. Donc le fait d'y aller, il faut y aller en cas de darura, de nécessité. En dehors de cela, il n'y a pas à y aller. Et toujours est-il que ce qui aura été tiré comme conclusion de la part du docteur, cela n'est pas une chose fiable à 100%, garçon ou fille. Non. ثم يقول الشيء الثاني أن هذا الحديث في ذكر أطوار الإنسان وليس أطواره من أول خلقه وإنما ذكر أطوار تكوينه في الرحم والله سبحانه وتعالى يقول ما لكم لا ترجون من الله أقوارا وقد خلقكم أطوارا. Donc la deuxième chose dans ce hadith, c'est que là il était cité quoi? L'évolution de l'homme, sa constitution dans le ventre de sa mère. Là, on ne parle pas de l'évolution de l'homme depuis sa création, c'est-à-dire depuis Adam, alayhi salam. Là, on parle de la constitution, l'évolution de l'homme, de l'embryon, le fœtus dans le ventre de la mère. Comme le prouve la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens relatif et rapproché, qu'avez-vous à ne pas croire en Allah comme il se doit, alors qu'il vous a créé par étapes successives, comme on l'a vu, par étapes successives, par échelon. وقال سبحانه وتعالى مبينا تلك الأطوار ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة وخلقنا العلقة مدعة وخلقنا المدعة عظاما وكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون كالله سبحانه وتعالى dans son livre définit cette évolution et la détaille en disant « Nous avons certes créé l'homme d'une boue malléable. Ensuite, nous en avons fait une goutte de sperme. Ensuite, nous avons fait de la goutte de sperme une adhérence. Ensuite, nous avons fait de cette adhérence un fœtus, un embryon. Ensuite, nous avons constitué cet embryon avec des os. Et de la chair. Ensuite, nous allons faire une autre création. Gloire à celui ou gloire à celui qui est le meilleur des créateurs. Ensuite, par cela, vous allez certes mourir. Et ensuite, le jour du jugement, vous serez ressuscité. Et là, subhanahu wa ta'ala a bien défini l'étape, les étapes de l'évolution de l'homme, depuis le ventre de sa mère jusqu'à Yom al-Qiyama. Wa awwala khuliqa al-insanu min turab. Et que le premier homme créé, qui est Adam alayhi salam, a été créé de quoi? De terre. Qala ta'ala, Ya ayyuhan nas in kuntum fi raybin min al-ba'th, fa inna khalaqnakum min turab. Ô vous les hommes, si vous êtes dans le doute de la résurrection, alors sachez que vous avez été créé de terre. Allah là, il bayen que l'homme, si jamais il doute qu'il sera ressuscité après avoir décédé, qu'à la base, il a été créé de terre. Donc cela n'est pas impossible pour Allah. Ensuite, de la terre, il devient de la boue, de l'argile. قال الله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. Et nous avons certes créé l'homme d'une terre malléable, d'argile, comme nous dirons. يخلط الطين بالماء فبعد ذلك يكون طينا لازبا. Et qu'ensuite, cette terre se mélange à de l'eau pour devenir, comme on dit, de la boue. وقولنا يخلط بالماء لقول الله سبحانه وتعالى والله خلق كل دابة من ماء. Et dans le fait que nous disions que l'eau est mélangée à la terre, cela se basant sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens relatif et rapproché, que Allah a créé tout bestiau à partir de d'eau. À partir de quoi? De l'eau. وقال الله سبحانه والذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. Il est celui qui a créé à partir d'eau une espèce humaine et il en a créé les liens de parenté et par l'alliance. C'est-à-dire entre les humains, il y a des liens basés sur les parentés et les alliances. Donc là, il précise bien que l'homme a été créé de quoi? D'eau à la base. Et toute chose a été basée de l'eau. فدل هذا على انه من ماء. Et tout cela prouve qu'il est constitué d'eau. والشافعي رحمه الله تعالى يقول كما في كتاب السنن الصغرى للبيهقي في كتاب طهارة المني يقول اصل خلق ادم من تراب والتراب طاهر من ماء والماء طاهر ثم بعد ذلك يخرط الماء بالطين فيصير طينا لازبا قال تعالى أهم أشد خلقا أم من خلقنا إن خلقناكم من طين لازب أي طين متماسك. Qu'il dit que Al-Shafi'i rahimahullah ta'ala dit dans le livre As-Sunan al-Sughra l'imam al-Bayhaqi, dans le livre de la purification du sperme, où il démontre que le sperme est une chose pure. Vous voyez, ce n'est pas une najasa. Le sperme, c'est quelque chose de pur. D'où la preuve du hadith Aïcha, apporté par Aïcha, que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'en allait pour aller au mosjid, elle frottait les traces de sperme séchées sur son vêtement avec son ongle. Ce qui prouve qu'il s'agit là d'une chose pure, contrairement au mazi. Le mazi, c'est autre chose. Le mazi, c'est le liquide transparent qui sort lors des plaisirs avant le sperme. Et le mazi est trouvé chez l'homme comme chez la femme. Lui, il est impur. C'est une najasa. Cependant, le sperme ne l'est pas. Donc, il dit que l'origine dans la création de Adam, c'est qu'il vient de terre. Et la terre est pure. C'est une matière pure. Et également d'eau. Et l'eau également est pure. Ensuite, l'eau est mélangée à la terre. pour devenir de la boue. Et Allah dit dans le sens, sont-ils plus durs à créer que ce que nous avons créé? Et certes, nous les avons créés, c'est-à-dire les hommes, de terre malléable, de boue. Une boue, on va dire, collante. Ensuite, il dit, ثُمَّ بَعْدَتُنْ الْمُتَمَاسِكْ وَيَكُولُ اللَّهُ تَعَالَى وَلَقَدْ خَلَقَنَا الْإِنسَانُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَاءٍ مَسْنُونَ. Et que nous avons créé l'homme d'argile. Yani, quand on dit argile, quand on dit boue, terre malléable, tout ça sont des sens et un synonyme qui tournent autour du même point. Ils sont similaires. وَقَالَ تَعَالَى وَالْجَانَّ خَلَقَنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارٍ سَمُومٍ. Et quant au djinn, nous l'avions créé auparavant d'un feu et d'une chaleur ardente. Et ce verset prouve quoi? Que le djinn a été créé avant l'homme. كَمَا قَالَ وَالْجِنَّ خَلَقَنَاهُ مِنْ قَبْلُ. C'est-à-dire auparavant, avant l'humain. Et créé de quoi? D'un feu et d'une chaleur ardente. L'homme est constitué à la base, vient de la terre, et le djinn vient du feu. ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ يَسِيرُ صَلْصَالًا كَالْفَخَّارِ مِثْلِ الْحَجَارَ وَالْفَخَّارِ مَعْلُوفُ فَهَذِهِ الْمَرَاحِلِ الْإِنسَانِ فِي خَلْقِهِ قَالَ تَعَالَى هَلْ أَتَى الْإِنسَانُ حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. Donc il dit que l'homme a été créé, comme nous l'avons dit, debout, malléable. Et qu'il s'agit là des étapes de la création de l'homme, là dans son ensemble. Et ensuite, il cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens relatif et rapproché. S'est-il écoulé pour l'homme un laps de temps durant lequel il n'était même pas une chose mentionnable? En effet, nous avons créé l'homme d'une goutte de sperme mélangée, c'est-à-dire de composants divers, afin de l'éprouver. L'homme, à la base, n'était rien du tout. Néant. Inexistant. Et ensuite, il est arrivé à partir d'une goutte de sperme, celle de son père, dans l'utérus de la mère. Pour arriver à la création que vous connaissez, qui est l'humain, tel que vous le voyez tous les jours devant vous. Ce qui prouve l'immensité de la capacité de la force d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui amène à pouvoir faire monter la foi. Lorsque l'homme médite ce genre de choses, sa foi augmente. Et là, on voit encore une chose qui est un miracle du Coran. C'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de cela il y a plus de 1400 ans, on va dire par les années égyriennes, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est connu. Il ne savait ni lire ni écrire. Et cependant, il a apporté une parole venant du Créateur de toutes choses, décrivant la constitution de l'homme dans le ventre de sa mère, alors que les koufars, eux, ont dû faire je ne sais combien d'expériences, peut-être sur des êtres humains, sur des animaux, comme on dit des cobayes, avoir des microscopes, alors que les musulmans, ou peut-être même avant les autres communautés, Allah Alam, il n'y a pas de preuve, mais le savaient déjà. Et aujourd'hui, ils se font passer pour comme étant des gens modernes et avancés. يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ غَافِلُونَ. Ils connaissent l'apparence des choses de ce bas monde, mais ils sont inattentifs en ce qui touche à l'au-delà. Et ça, c'est une chose, normalement, le musulman, quand il médite, ou le kafir, le mécréant, lorsqu'il entend cela, devrait l'amener à faire preuve d'humilité devant les musulmans. Que le musulman, c'est lui à la base qui est plus avancé. Pour ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a enseigné dans son livre. Naam. Ensuite, le shir dit, قَوْلُهُ ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ رُوحٌ. On lui insouffle le souffle de vie. وَقَوْلُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens, et j'y insufflé mon souffle, c'est-à-dire le souffle de vie. Ruh, c'est le souffle, ça peut être l'âme également, le souffle de vie. لَيْسَ فِي إِذْبَتُ سِفَاتِ الرُّوحِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Que cela, par contre, n'est pas une preuve d'affirmer le souffle comme étant une sifat, on va dire le souffle de vie, comme étant un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. لَكِنَ الْمَقْسُودِ يُنْفَخُ فِي مِنْ أَرْوَاحِ الَّتِي عِنْدَهُ كَذَا قَالَ أَلَى الْعِلْمِ. Cependant là, le but visé, c'est de dire qu'il a été insufflé parmi les souffles que Allah a créés. Là, le souffle est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala et non pas un de ses attributs. فَإِنَّ هَذَا الرُّوحَ مَخْلُوقًا وَصِفَاتُ اللَّهِ تَلِيقُ بِجَلَالِهِ سُبْحَانَهُ وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُعْتَقَدَ أَنَّ صِفَاتِ اللَّهِ مَخْلُوقًا. Donc comme on l'a dit, comme je viens de le dire, que ce ruh, ce souffle de vie, est une création. Vous voyez, c'est une création. Alors que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala lui reviennent de plein droit, comme il lui convient, dans sa splendeur. Et qu'il n'est pas permis de croire que les sifats d'Allah, ses attributs sont créés. Ni le Coran, ni rien du tout. Les sifats d'Allah ne sont pas créés. قَوْلُهُ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ. Donc sa parole, qu'il est ordonné à l'ange quatre choses. كِدْبِ رِسْكِهِ. Le fait d'écrire son risque, la subsistance. يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرِّسْكَ مَفْرُوعٌ مِنْهُ. Cela prouve que le risque est déjà décrété. Tout ce que tu dois obtenir en ce bas monde, comme nourriture, comme biens matériaux, comme science, ou toute chose en bien ou en mal, qui rentre dans le risque, voyez, considéré comme étant du risque, tout cela est déjà écrit avant que tu existes. وَأَنَّ هَذَا الشَّيْءِ مَكْتُوبٌ مُنْذُ أَنْ كَانَ الْعَبْدُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ. Et que tout cela est déjà écrit, c'est-à-dire que tout cela est décrit auprès d'Allah, mais est inscrit après que le souffle de vie ait été mis dans le ventre de la mère. Bien que Allah subhanahu wa ta'ala le sait déjà avant cela. يُرْزَقُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ مِنْ سَدِي أُمِّهِ. Et que même dans le ventre de sa mère, l'enfant, sa subsistance lui octroyée depuis le ventre de sa mère. C'est-à-dire que tout ce que sa mère mange, cela revient dans quoi? Dans l'utérus, dans le placenta, et l'enfant en est nourri, comme vous le connaissez déjà. C'est-à-dire, depuis même qu'il est une chose encore sans raison et de faible formation, on lui a déjà octroyé sa subsistance. Ya subhanallah. C'est-à-dire que tout cela lui est octroyé alors qu'il a encore un enfant. Et jusqu'à ce qu'il devienne adulte ou grand, jusqu'à sa mort, que tout lui est octroyé. Et que dans les cieux se trouve, dans le ciel se trouve votre subsistance et tout ce qui vous est promis. Et que par le Seigneur des cieux de la terre, que cela est aussi véridique que le fait que vous parliez. Que votre risque est présent dans les cieux, et cela est aussi véridique que le fait que vous parliez. Tout le monde parle. Du moins l'origine, c'est que l'homme parle, prononce, s'exprime. Et bien votre risque est dans les cieux. Ces deux choses-là sont aussi véridiques l'une que l'autre. Si tu crois que le fait que tu parles et que tu t'exprimes, alors également tu dois croire que ton risque est dans les cieux. هذا موعد من الله سبحانه وتعالى ولا يخلف. Il s'agit là du quoi? D'une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala et que Allah n'enfreint pas sa promesse. رب العالمين يقول رزقك عندي. Que le Seigneur des mondes te dit que ta subsistance est auprès de lui. ومن أصدق من الله حديثا. Et qui est plus véridique que Allah en parole? Allah nous le promet et cela est auprès de lui. ولهذا يجب على المؤمن أن يؤمن أن الله رزاقه. Et qu'il est obligatoire aux croyants d'avoir pour croyance que Allah est celui qui le pourvoit la subsistance. Que Allah est celui qui le pourvoit la subsistance. Le grand pourvoyeur. إِنَّهَا لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَأَجَلَهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. Et le hadith qui dit qu'il n'est pas une âme qui ne mourra sans qu'elle n'ait pris tout ce qui lui a été octroyé comme risque qui lui a été écrit auparavant et qu'elle n'ait atteint son terme. Alors craignez Allah. Toute chose, avant que l'homme ne meure, lui a été prescrit. Il ne partira pas, il ne quittera pas ce bas monde sans s'en avoir pris ne serait-ce la moindre bouchée. La moindre chose qui lui a été prescrite, il l'aura. Biznillah. Qawluhu yu'maru bi kitbi rizqihi. Qui lui ordonnait, c'est-à-dire à l'ange, d'écrire sa subsistance à l'homme. Wa wa shamilun li kulli ma yusamma rizqan. Sawa rizqul mal aw rizqul ilm wal hidayah wa ghayr dhalika. Et que cela englobe tout ce qui est appelé subsistance. Qu'il s'agisse des biens matériaux, qu'il s'agisse de la science, de la guidée ou autre. ولا يتعارض هذا الحديث مع حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط في رزقه وينشأ أو ينشأ له في أثره فليصل رحمه. Et que cela ne s'oppose en rien au hadith qui était rapporté par Anas bin Malik, que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit que celui qui aimerait que son risque lui soit élargi et que son temps de vie lui soit prolongé, alors qu'il préserve les liens de parenté. Il n'y a pas de contradiction entre les deux hadiths. فَرِزْكُ مَعْلُومٌ وَالْأَجْلُ مَخْتُومٌ. Car le risque, il est déjà connu auprès d'Allah, et que le terme est déjà décrété. Et que les œuvres pieuses sont parmi les causes d'obtention de la subsistance. D'obtention de la subsistance. Les œuvres pieuses sont parmi les causes d'obtention de la subsistance. Et qui sont parmi les causes d'un long temps de vie. Elles sont une cause pour avoir une longue vie. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, وصلت الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار من حديث عائشة في صحيح المسند. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que le fait de préserver les liens de parenté, le bon comportement, le bon voisinage sont les choses qui font vivre les maisons, les demeures, et qu'ils rajoutent dans le temps de vie. Ces choses-là rajoutent dans le temps de vie. Donc quand on voit aujourd'hui des gens qui se fatiguent à courir à droite, à gauche, faire des choses pas possibles pour obtenir les biens de ce bas monde, on axe nos efforts sur des choses qui sont matérielles, comme le fait de trouver un travail, ce genre de choses, au point même d'en tomber dans des infractions à la législation, comme le fait, par exemple, de se raser la barbe, de s'habiller comme il ne convient pas, de se mélanger aux femmes ou à des gens peu recommandables ou dans des lieux où se trouvent beaucoup de péchés. Dans le but de quoi? D'obtenir notre salaire pour cause de vouloir vivre. Alors que des choses comme celles-ci sont négligées. Le fait d'avoir un bon comportement, de préserver le lien de parenté, de se comporter bien avec les voisins, chacun en mesure de leur personne. C'est-à-dire, le voisin kafir, c'est pas comme le voisin musulman. Bien que le voisin kafir, il a son droit sur toi, pour le voisinage. Cependant, un kafir, auprès de toi, n'aura pas le droit de la fraternité islamique, comme un musulman. Donc ce n'est pas pareil. Ces choses-là ne sont pas négligées. Et les causes de risque sont nombreuses. Elles sont très nombreuses. Et comme on le répète souvent, la hijra également fait partie. Talab al-ilm également fait partie. Comme le prouve le hadith rapporté par Anas chez l'imam Tirmidhi, qu'il y avait deux frères plutôt, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que l'un d'entre eux restait constamment avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam en vue d'étudier et d'apprendre la religion. Tandis que le deuxième, lui, était un artisan, il travaillait. Donc, aider son frère pour vivre. Et un jour, ce frère-là, c'est-à-dire celui qui travaille, est parti voir le prophète pour se plaindre de son frère. En disant, comme s'il disait que moi je travaille, mon frère ne travaille pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à cet homme, il se peut que ton risque vienne par la cause de ton frère. Et il se peut que toi, ton travail se passe bien, que tu aies un salaire, pour le fait que ton frère soit auprès de moi à apprendre la religion. Car il ne faut pas croire que le fait d'apprendre la religion, c'est des vacances, c'est une mince affaire. Il y a des efforts à fournir, ce n'est pas facile. Certains salafs disaient que porter des pièces sur son dos lui était plus facile que de répéter un hadith pour le mémoriser. Qu'il préférait être, et on le voit aujourd'hui, combien de gens travaillent? Beaucoup. Les fonctionnaires, les employés, les ouvriers sont très nombreux. Mais les étudiants en sciences, les savants, combien sont-ils? Très peu. Car peu patientes. Et bien entendu, lorsqu'on dit que la recherche de la science ou ce genre de choses, ou la hijra, sont des causes de subsistance, cela faut dire aussi qu'il faut patienter sur, même si c'est peu qu'on obtient, si c'est un peu qui nous suffit, alors il faut s'en contenter et ne pas trop en vouloir, de peur de tomber dans l'excès, et de faire des choses peu recommandables en religion. Naam. Donc on poursuit en disant, le shir dit, « وَالسَّوَابُ أَنَ الْتَغْيِرْ بِمَا فِي أَيْدِ الْمَلِكِ قَالَ تَعَلَى مَا يُبَدَّلُ الْكُولُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ. Que la vérité, c'est que tout changement n'est que dans les mains du roi. C'est-à-dire le roi, là, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui peut changer les choses s'il le veut. Et lorsqu'il a décrété une chose, elle est comme il l'a décrété. Comme le prouve sa parole, dans le sens relatif et rapproché, que rien ne change, aucun décret, c'est-à-dire le décret ne se change pas auprès de moi, et que je ne suis point injuste envers les serviteurs. Allah précise bien qu'il n'est pas injuste envers les serviteurs. Qad haramtu al-zulm ala nafsi, comme il dit, que j'ai interdit l'injustice à moi-même. C'est-à-dire que Allah, s'il donne à quelqu'un plus qu'à un autre, il sait pourquoi. Hein? Tout il mulka man tasha, tu donnes la royauté à qui tu veux. Allah subhanahu wa ta'ala, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais eux seront interrogés. Si Allah donne à un tel plus qu'à un autre, il est de grande justice, grande équité. Donc je vous le dis, Allah subhanahu wa ta'ala donne ce qu'il veut à qui il veut. Et qui n'a pas été interrogé, les gens n'ont pas à dire pourquoi lui, pourquoi pas moi. Et pour les choses qui aident à patienter sur la pauvreté que certains pourraient subir, c'est que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a incité à regarder celui qui a moins que nous, pour nous rappeler les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur nous. Quand tu te plains et que tu vois que tu as peu de choses, et que par exemple, quelqu'un d'autre à côté de toi est riche et dans l'aisance, eh bien toi, regarde celui qui a moins que toi. Cela te rappellera que finalement, tu n'es pas si mal placé que ça. Et c'est des sagesses, Inch'Allah, à ne pas négliger, à ne pas oublier, qui aident à patienter sur ce que Allah aura décrété sur l'être humain, son serviteur. Ensuite, il dit, Hafizahullah, وَأَمَّا الَّذِي عِنْدَ اللَّهِ فَلَا يُغَيِّرْ وَلَا يُبَدَّلْ. Et que ce qui est auprès d'Allah n'est pas changé et n'est pas remplaçable. وَلَيْسَ لِلْإِنْسَانِ أَجَلَانِ. Et que l'homme n'a pas deux termes. Quand son terme est décrété, il n'en a qu'un seul. L'homme n'a pas deux termes. بَلْ أَجَلٌ وَاحِدٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يُسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Et que lorsque leur terme arrive, qu'ils ne peuvent ni l'avancer, ni le reculer, ne serait-ce d'une heure. Quand le terme il vient, il vient. Donc heureux ou malheureux. C'est-à-dire là, ce qui a été décrété à l'homme. Est-ce qu'il sera heureux ou malheureux, c'est-à-dire des gens du paradis ou des gens de l'enfer. Que cette parole-là ne détient aucune preuve pour les mujbira. Mujbira, c'est qui? Ceux qui disent que, qui parlent du jabr, que l'être humain est contraint de subir ce que Allah a décrété, c'est-à-dire qu'il n'a pas le choix. Que tout ce qui t'arrive, tu n'as pas de libre arbitre. Ce qui t'arrive, c'est une chose qui t'a été décrétée, toi, tu n'es pas responsable. Et il s'agit là, bien sûr, d'une parole fausse. Car comme le dit Sharon Saïmin, quand quelqu'un commet un acte, il sait ce qu'il fait. Il y a une différence entre, par exemple, quelqu'un. Un exemple qu'on va donner, quelqu'un qui marche dans la rue et d'un seul coup il veut courir. Vous voyez, il va courir de lui-même, il sait qu'il va courir. Et quelqu'un qui marche dans la rue et qui se prend les pieds dans un obstacle et qui trébuche malgré lui, là il sait que cette chute ne vient pas de lui. Chacun a en lui cette chose-là, le libre arbitre. Il sait ce qui lui arrive. Est-ce que cela dépend de lui ou pas? Des choses qui viennent volontairement, des choses qui viennent à notre insu. Et eux, ces gens-là, disent que tout vient à notre insu, qu'on n'a pas le choix et que tout ce qui nous arrive, on n'est pas responsable. Que c'est Allah qui nous force. Wal'azubillah. Il s'agit là, bien sûr, d'une parole fausse. Bel fi dalalatun lil mu'minina al-mutawakkilina ala Allah al-muta'ammidina alayhi wal-laji'ina ilayhi wal-munibina ilayhi wal-mukhbitina ilayhi wal-amilina bil-asbab. Et que plutôt, toutes ces choses-là sont des preuves pour le croyant qui s'en remet à Allah, qui place sa confiance en Allah, qui revient vers lui, qui se repent à lui, qui reste humble devant lui, et qui agit en prenant les causes. L'homme doit prendre les causes. Légiférer. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. Et que celui qui donne et qui craint et qu'il croit en la bonne récompense, alors nous lui faciliterons le bonheur. On dira comme ça. Quant à celui qui est avare et qui se dispense, c'est-à-dire d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et qui dément la bonne récompense, qui dit que cela n'est pas vrai, comme le paradis, alors nous le faciliterons pour une étroitesse, pour le malheur. Donc œuvrez, car Allah verra vos œuvres ainsi que son messager et les croyants. C'est-à-dire qu'Allah nous appelle à quoi? À œuvrer. Et cela est venu dans un hadith rapporté par Ali. Alors, dans un autre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après une janaza, a pris un bâton et décrété et a fait des traits sur le sol en disant que chacun à sa place au paradis ou à l'enfer qui lui est déjà désigné. Donc cela est une chose qui effraya les compagnons, qui dirent, alors, en quoi œuvrons-nous? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, œuvrez car chacun sera facilité, c'est pourquoi il était destiné. Donc personne ne se dise, moi, ça se trouve je vais aller en enfer, donc je ne me coupe pas la tête, je fais rien. Non, tu ne sais pas si tu es destiné. Donc toi justement, toi tu as un cerveau, tu es quelqu'un de sagace, de sensé, tu veux le paradis, alors fais en sorte d'y aller. Fais les causes pour y aller. Fais les courses pour y aller, en œuvrant comme il se doit, en suivant la voie droite. C'est du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala yakul Anni la udiyu amala amilin minkum min zakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Qu'il dit dans le sens que certes, je ne néglige rien de vos œuvres parmi ceux qui ont œuvré, qu'ils soient un homme ou une femme, les uns sont allés des autres. C'est-à-dire que Allah voit les œuvres qui sont appliquées et qu'il les prend en considération. Wa qala innal ladhina amanu wa 'amilus salihati yahdihim rabbuhum bi imanihim tajri min tahtihim al anhar fi jannati an na'im. Que certes, ceux qui ont cru et qui ont œuvré de bonnes œuvres, Allah les guidera par leur foi. Et qu'ils auront des fleuves qui couleront, c'est-à-dire sous leur demeure, dans des jardins de délices, c'est-à-dire le paradis. يدل هذا على أن الإنسان له عمل يجزى به وأن من سعى للخير وتقرب إلى الله تقرب الله إليه. Et que tout cela prouve que l'homme a des œuvres qui lui sont prises en considération, par lesquelles il sera récompensé. Et que celui qui s'efforce à faire le bien et se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah se rapprochera de lui. Wa al-qa'il kama fi hadith al-qudsi wa man taqarraba ilayya shibra takarrabtu ilayhi zira'a wa man taqarraba ilayya zira'a takarrabtu ilayhi ba'a wa man atani yamshi ataytuhu harwala. Le hadith Qudsi rapporté par Abu Huraira, qui viendra dans lui-même dans ce matn de Arba'in Nawawi, que Allah subhanahu wa ta'ala dit: celui qui se rapproche de moi d'un empan, je me rapproche de lui d'une coudée. Et celui qui se rapproche de moi d'une coudée, je me rapproche de lui d'une brasse. Et que celui qui vient vers moi en marchant, je viendrai vers lui en m'accourant. Et là, carrément, également, hein, Allah subhanahu wa ta'ala, ce hadith n'a pas été interprété. On doit le prendre dans son apparence. Si Allah dit qu'il viendra en s'accourant ou en courant, ou je ne sais pas comment on dirait la bonne traduction de harwala, qui veut dire se précipiter ou marcher vite, se hâter. Après, c'est juste un problème de traduction française, hein, c'est tout. Hein. Mais le sens en arabe, il est clair. On n'a pas à interpréter. Et cela, Allah le fait comme cela lui convient, subhanahu wa ta'ala. Laysa kamithli shay, il n'y a rien qui le comparable. En faisant cela, nous ne faisons pas ressembler Allah à ses créatures. Allah, dans le Coran ou dans la Sunna, dit des choses et s'est attribué des attributs, on les prend comme ils viennent. Naam. Donc le shirk poursuit en disant: Fi hadha an adilat al-qadr tufidu al-muslim لجوءاً إلى الله سبحانه وتعالى ورجوعاً وخوفاً منه وأهل الباطل ما يستفيدون منها بل يستدلون بها على نفي القدر وعلى الجبر. Donc que toutes ces preuves, hein, sont bénéfiques aux croyants afin de revenir vers lui, d'avoir peur de lui et d'espérer en lui également, et que les gens du faux, cela ne leur profite à rien. Toutes ces preuves citées là ne sont en rien dans leur avantage, dans ce qu'ils disent. Comme ceux, par exemple, qui nient le destin et qui disent que nous sommes contraints. Nous n'avons pas de libre arbitre. فَإِنَّ الْجَهْمِيَّةِ مُجْبِرَةِ بَعْلَهُ فِي الْقَدَرِ حَتَّى جَعَلُوا الْإِنسَانُ كَرِيشَةِ فِي مَهَبِ الْرِيحِ وَلَيْسَ لَهُ إِرَادَةِ. Donc, par exemple, le Jahmiya, qui est une secte, qui eux disent, ils ont exagéré dans le côté du destin, et disent que l'être humain est comme une plume au gré du vent. C'est-à-dire qu'il n'a aucun libre arbitre. Il ne fait que se laisser mener à droite à gauche par rapport au destin, et qui n'a pas de libre arbitre, qui n'a pas de volonté. Et les Mu'tazila, eux, ils ont nié le destin et ont même dit que l'homme, c'est lui qui crée ses propres actes, le bien et le mal, c'est l'homme qui décide toutes choses. C'est-à-dire les deux là sont en opposition. Certains disent que l'homme n'a aucun libre arbitre et qu'il est comme une plume au gré du vent, et les autres disent que quoi, que c'est l'être humain qui décide de tout pour lui-même, il crée ses propres actions. Et les deux paroles sont fausses. Et elle est sunnati wa jama'a, les salafia, les gens de la sunna, eux sont entre les deux. Toujours elle est le wasat. Et car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, inna kulli shay'in khalaqnahu bi qadar, que toute chose nous l'avons créée à juste mesure, prédestinée. Wa ala l'insan an yasta'ina billah subhanahu wa ta'ala ala ta'ati, que l'être humain doit rechercher de l'aide auprès d'Allah pour son obéissance. Comme on dit dans la Fatiha, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim. Toi que nous adorons, et c'est auprès de toi que nous recherchons de l'aide. Guide-nous sur le chemin droit. Donc quel est le besoin de faire cette invocation dans nos salawats quotidiennes, si ce n'est du fait que c'est Allah qui décide de tout. Et également, il nous donne le choix de le demander qu'il nous guide. On fait les causes. Les causes, comme les doa, comme la fatiha, al-fatiha ou autre. Cela sont des causes établies par Allah afin d'obtenir la guidée était parmi les gens, les sa'ada, du bonheur, les gens du paradis. Qawluhu, chez reprend disant Qawluhu, فوالله الذي لا إله إلا هو يجوز الحلف بغير الاستحلاف وذلك لأدلة كثيرة. Et le fait dans sa parole, donc par Allah, celui qu'il n'y a d'autre divinité d'être adoré ce n'est lui, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith, il y a en cela une permission de jurer sans que cela n'ait été demandé. Qu'une personne peut jurer par Allah sans qu'on lui ait demandé de jurer par Allah. Et il y a beaucoup de preuves sur cela. لكن ينبغي للإنسان أن لا يحلف إلا توكيد أمر مهم. Cependant, il ne convient pas à l'homme de jurer, de porter serment si ce n'est pour une chose importante, qui a besoin d'être affirmée, d'être appuyée. وعليه أن يحفظ أيمانه. Et qu'il doit conserver ce serment. لقول الله سبحانه وتعالى واحفظوا أيمانكم. Cela se basant sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et préservez vos serments. فلا تدارب بين أدلة فالمسألة التي تحتاج تأكيدا عليها. Donc il n'y a aucune, on va dire que cela, il n'y a pas d'opposition, hein, aucune contradiction entre ce verset et le sujet cité là, dans le fait de jurer par Allah subhanahu wa ta'ala sans que cela nous soit demandé. Car parfois, l'être ou le serviteur a besoin d'affirmer une chose sans qu'on le demande, sur laquelle il craint d'être, qu'on doute de lui, de sa vérité, alors de là, il jure par Allah. قوله لا إله إلا هو وهذا في توحيد الألوهية لا إله إلا هو قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. Donc dans sa parole لا إله إلا هو, pas d'autre divinité digne d'être adorée si ce n'est lui, cela est une preuve également du توحيد, de la seigneurie, ou plutôt de العبودية, de l'adoration. Voyez. Car Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit dans son livre, et sache dans le sens, et sache qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah, alors demande pardon pour tes péchés, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Non. Donc là on revient, et comme je l'ai dit, il y avait un décalage dans le livre, à la partie finale du hadith, que dans le livre elle a été citée au début, ça c'est une erreur d'impression également. Shiri dit, « Had al-hadith mukhifun jiddan » وذلك أن الإنسان لا يدري بماذا يختم له. Donc ce hadith également est effrayant. Le hadith est effrayant. Pourquoi? Car l'être humain ne sait pas ce qu'il attend, ce qui lui est prédestiné. لأن الأعمال بالخواتيم فعلى المسلم أن يبقى خائفا خاضعا ذليلا لله سبحانه وتعالى داعيا لربه أن يختم له بالحسنى. Et que les œuvres ne se basent que sur leur fin. Voyez. Donc le musulman doit rester dans la peur et dans la crainte et dans la soumission à Allah et qu'il doit l'invoquer afin qu'il lui écrive une bonne fin. فَمِنْهُمْ مَنْ يَعْمَلْ بِعَمَلِ أَلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَى الزِّرَعِ فَيَسْبِقُوا عَلِ الْكِتَابِ. Que certains parmi eux, c'est-à-dire les êtres humains et les serviteurs, certains œuvres parmi les œuvres des gens du paradis, à tel point qu'ils en sont proches, c'est-à-dire du paradis, d'une coudée, et cependant, ils se font devancer par leur livre, le destin, pour finir parmi les gens du feu. وَلَيْعَذُ بِاللَّهِ وَلِيَنَّ اللَّهَ لَا يَظْلُمُ أَحَدًا يَعْمَلْ بِعَمَلِ أَلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا يَدْخُلُ بِعَمَلِ النَّارِ. Car Allah n'est point injuste. Voyez, Allah n'est injuste envers personne. Et que certains œuvrent parmi les œuvres des gens du feu, et ensuite, ils entrent au paradis. Ou plutôt, ils rentrent au feu, à Afwan. Des gens œuvrent des œuvres des gens du feu, et ils finissent par y rentrer à cause de ces œuvres. Et que Allah, ou plutôt ton Seigneur, n'est point injuste envers ses serviteurs ou envers les serviteurs. وقال التحاوي رحمه الله تعالى يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا ويذل من يشاء من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. Dans le Tahawi, l'imam Tahawi dit que Allah il guide qui il veut et préserve qui il veut de par sa grâce. Et qu'il rabaisse et qu'il abandonne et qu'il éprouve qui il veut en toute justice. Ce qui arrive, et qu'on peut voir dans nos yeux comme étant un mal, Allah connaît la sagesse derrière cela. هذا الحديث في كتابة شكاوى والسعادة قبل أن يخلق العبد. Et que ce hadith comprend sa destinée du bonheur ou du malheur avant que le serviteur ne soit créé. Walakin Allah yassir lil husna. Cependant Allah facilite pour le bonheur. Man amina bil husna, pour celui qui œuvrera des bonnes œuvres. Celui qui œuvre en bien, Allah lui facilitera. إنما يزداد المؤمنون يقينا بهذا الحديث أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا وأن الأمر كله لله سبحانه وتعالى. Et que cela ajoute de la certitude au serviteur qui ne possède rien, qu'il est incapable de toute chose. لا حول ولا قوة إلا بالله كما يقول. Et que toute chose revient à Allah سبحانه وتعالى. Que l'ordre absolu est son droit à lui. Et que l'humain, voyez, ne possède rien comme nuisance ou comme bénéfice pour lui-même. Que toute chose provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'homme n'a que les causes. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Que certes, tu ne guides pas qui tu veux ou qui tu aimes, cependant Allah guide qui il veut. Et les plus savants, des gens qui méritent la guider. Fala yastati'u an yatasarraf fi nafsihi bihaythu yasiruha li'amal khayli aw nafsuhu bina بين جانبيه فضلا عن غيرها قد تنازع أو قد تزاع وهو يشعر أنها نازيع ولكن يستطيع أن يملك نفسه. Donc là, je ne sais pas si c'est une erreur dans... Est-ce que là, la phrase, elle paraît pas avoir un sens. Qu'en fait, que l'humain ne peut agir de sorte à ce qu'il maîtrise son âme et la rende sur la droiture comme lui le souhaite. C'est-à-dire que il se peut que son âme dévie, qu'il s'en rende compte et qu'il soit incapable de la rectifier. En fait, la parole de Chir revient à cela. Que l'homme peut être, lui, sans qu'il est en train de dévier, qu'il lui arrive des choses mauvaises par rapport à sa religion, et cependant il est incapable de la rectifier. Que Allah lui a pas accordé le tawfiq pour réussir à faire des choses qui le remettrait sur la droiture, quand il dévie. Et cela pour cause, lui-même, de ses actions. Quand ils ont dévié, alors Allah les fit dévier. Du moins dévier à leur cœur. Ensuite il dit, et c'est pour cela que le musulman doit rester sans cesse dans l'évocation d'Allah, qu'il le raffermisse sur cela, sur la religion, sur la droiture. Imam al-Muttaqin yadru'u ila rabbihi biqoulihi ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Et que le chef, on va dire l'imam des gens pieux, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même se soumettait à son Seigneur et lui disait: ô celui qui retourne les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Car il est connu, hein, al-qulub bayna usbu'ayn min asabir ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha. Que les cœurs sont entre deux doigts parmi les doigts du Rahman et qu'il les retourne comme il veut. Cela revient à lui. Donc il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même était parmi les gens les plus dévoués dans le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala qui lui accorde la guider et qu'il raffermisse la religion. Donc que dire de nous? Bien que lui, tout lui a été pardonné à l'avance. Cependant, par crainte d'Allah, il le demande quand même. ومع ذلك يدعو الله بهذه الأدعية خوفا من الله وطمعا في رحمته. Cependant, il invoque Allah avec ses invocations par peur et par désir d'Allah de sa miséricorde. فعلى المسلم أن يبقى خائفا من سوء الخاتمة إنما الأعمال بالخواتيم يا إخوان. Donc il incombe au musulman qu'il reste apeuré d'avoir une mauvaise fin, car les fins, les œuvres ne sont comptées que pour ce sur quoi elles finissent, pour leur rétribution finale. Demain, tu peux œuvrer toute ta vie en bien. Si tu finis sur le mal, tes œuvres peuvent être comptées comme étant vaines. Ils ne te servent à rien. Khatar al-insan. Cela est un danger pour l'humain. Yajal al-kalb yabqa khaifan min an yasbika alayhi amalun aw ri'aun aw ba'd al-a'mal allati la yardahu Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yadri illa wa khatimatu as-su tahjumu alayhi. Nasal Allah al-afiyah wa as-salama. Car il faut qu'il garde son cœur dans la peur qu'il ne soit dévancé par de mauvaises actions, comme l'ostentation, hein, le RIA, l'ostentation ou d'autres œuvres que Allah n'agrée pas. Car il ne sait pas, il ne peut, sans qu'il ne s'en rende compte, l'humain peut se voir asservi par des mauvaises œuvres ou une mauvaise fin. Il peut ne pas s'en rendre compte comme il peut s'en rendre compte également. Cependant, il y a une parole de Cheikh Othaymine qui m'a cité également sur le sujet pour finir le ders, où il dit... toujours dans ce hadith, il explique. Il dit, rahimahullah ta'ala, « Walakin abshiru fa'ina adal hadith muqayyid » Donc il dit, « Réjouissez-vous, car ce hadith est conditionné. » بِأَنَّهُ لَا يَعْمَلُ بِعَمْلِ الْجَنَّةِ فِي مَا يَبْدُو لِلنَّاسِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ Que cette personne œuvre des œuvres des gens du paradis dans ce qui apparaît aux gens, c'est-à-dire en apparence. Cependant, il fait partie des gens du feu. أَمَّا الَّذِي يَعْمَلُ بِعَمْلِ الْجَنَّةِ بِقَلْبِ وَإِخْلَاسٍ فَإِنَّ اللَّهُ لَيَغْذُلُهُ عَذَا وَجَلْ وَاللَّهُ أَقْرَمُ مِنَ الْعَبْدِ فَإِذَا عَمِلْتَ بِعَمْلِ الْجَنَّةِ بِإِخْلَاسٍ نسأل الله أن يجعلنا والمسلمين منهم فإن الله ليغذلك لكن فيما يبدو للناس Donc il dit quoi? Quant à celui qui œuvre avec sincérité d'un cœur sincère pour Allah, alors Allah, il n'abandonnera jamais. Il n'est pas possible qu'Allah l'abandonne. Car Allah honore plus son serviteur. Donc s'il œuvre des œuvres des gens du paradis avec sincérité, et là le shirk fait un dora que Allah nous compte tous les muslimines parmi eux, parmi les gens qui œuvrent avec ikhlas, alors Allah ne l'abandonnera pas. Celui qui œuvre avec ikhlas et sincérité, hein, Allah ne peut l'abandonner. Cependant, ce hadith concerne ceux qui œuvrent dans les œuvres apparentes aux yeux des gens. Une piété apparente, en surface. Et la preuve de cette condition, c'est-à-dire dans ce qui apparaît seulement aux yeux des gens, en apparence, c'est un hadith qui a été rapporté chez l'imam Bukhari, qui dit Inna rajulan kana ma'al nabi sallallahu alayhi wa sallam fi ghazwa. Qu'un homme était avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une guerre, une conquête. Wa kana shuja'an muqaddaman. Qu'il était doté de bravoure, il allait toujours de l'avant et très courageux. La yatruku la adwa shazatan wa la fada illa qada alayha. Fa ta'ajjaba an-nas minhu. Qu'il ne laissait aucun répit à l'ennemi. Vous voyez, il était sans relâche sur l'ennemi. À tel point que les gens en furent surpris de min shaja'ati, de son courage, ou min ikdami, et de sa bravoure. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam zat yawmin innahu min ahli an-nar, que un jour le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à l'encontre de cette personne qu'il fait partie des gens du feu. A'udhu billah hadha al-shuja' alladhi yaftaku bil 'adu min ahli an-nar fa kabura dhalika lil-muslimin wa 'azuma 'alayhim wa khafu. Donc le shir dit, A'udhu billah, je cherche refuge auprès d'Allah. Comment une telle personne, aussi courageuse et aussi brave, hein, devant l'ennemi, comment peut-elle faire partie des gens du feu? Alors cela fut grand aux yeux des muslimines. Ils en furent surpris et choqués. Comment une personne telle que celle-ci peut faire partie des gens du feu? Donc un homme dit, je jure par Allah que je ne le lâcherai pas. Je le suivrai sans relâche, c'est-à-dire cet homme courageux. La ara li ara niyahatahu. Kayfa takun? Afin de voir comment il finira. Fama shama'ahu wa fi athna al-qital asaba ar-rajul al-shuja' as-sahm fa khuzi'a. Donc cet homme, celui qui a dit ça, qui a juré par Allah qu'il ne lâcherait pas, se mit à le suivre. Et en plein combat, cet homme, c'est-à-dire courageux, fut atteint d'une flèche. Et il fut pris d'effroi. Alors, فَأَخَذَ بِسَيْفِهِ وَسَلَّهُ فَوَدَعَهُ فِي صَدْرِهِ وَاتَّكَ عَلَيْهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْ ظَهْرِهِ Donc cet homme, après avoir été atteint par la flèche, dégaina son épée, la posa sur sa poitrine, et se posa sur elle, à tel point qu'elle le transperça et ressortit du côté de son dos. فَقَتَلَ نَفْسَهُ خَذَعًا Donc il se suicida par peur. Sa blessure l'effraya à tel point qu'il s'en suicida. فَجَا الرَّجُلِ لِلْنَبِي صلى الله عليه وسلم وقال يَا رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدْ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ Donc cet homme se rendit auprès du messager d'Allah صلى الله عليه وسلم et lui dit « Je témoigne qu'il n'y a d'une divinité digne d'être adorée sinon Allah et que tu es le messager d'Allah. » Alors le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم lui dit « Et pourquoi cela ? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire cette chose-là ?» Il dit « قال الرجل الذي قلت انه انه من اهل النار حصل له كذا وكذا il lui dit l'homme dont tu as dit qu'il était parmi les gens du feu il lui arrive telle chose et telle chose فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه فيما يبدو للناس il dit que l'homme œuvre des œuvres des gens du paradis dans ce qui apparaît seulement aux yeux des gens. Allahu Akbar. Là, on sait quoi? Là est venue la condition du hadith. Ce hadith-là explique l'autre, pour dire que il s'agit de celui qui agit parmi les gens du bien dans ce qui apparaît aux yeux des gens. Et pareillement, celui qui agit en mal dans ce qui apparaît aux yeux des gens. Donc le shir poursuit en disant, shir al-Usaymin, Alhamdulillah ala hadal qaid, louange à Allah sur cette condition, qui rassure. يَعْمَلُ فِي مَا يَبْدُو لِلنَّاسِ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَيَظُنُّونَ أَنَّهُ صَالِحٌ وَلَكِنْ فِي قَلْبِهِ فَسَادٌ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. Donc il dit qu'il œuvre dans ce qui apparaît aux yeux des gens, parmi les œuvres des gens du paradis, alors qu'il est compté parmi les gens du feu, auprès d'Allah. Seul Allah le sait. Et les gens le pensent comme étant une personne pieuse. Cependant, dans son cœur, il y a une corruption. Là maintenant, c'est une chose intérieure qu'il y a en lui, que seul Allah peut connaître, qui est amené à ce que sa fin soit mauvaise. C'est-à-dire que ça, c'est une chose qui est enfouie en lui, que personne ne peut connaître, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, ou parfois des gens ont des choses enfouies en eux, qui ont des indices décelés chez certaines personnes. Naam. Thumma il dit, وَقَالَ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَإِنَّ حَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَى ذِرَاعٍ فَيَسْبِقُوا عَلَيْهِ الْكِتَابِ وَيَعْمَلُ بِعَمَلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا. Donc là, il cite le shir à la fin du hadith d'Ibn Mas'ud, que l'un d'entre vous œuvre des œuvres des gens du feu, jusqu'à ce qu'il ne soit entre lui et elle qu'une coudée. Alors il est devancé par le livre et se met par œuvrer des œuvres des gens du paradis et il y rentre. Et ça, c'est l'opposé de la première partie. الأول وجدنا له شاهدا في الواقع وقصة هذا الرجل. Donc le premier, celui qui offre des œuvres des gens du paradis qui entrent au feu, on l'a trouvé un témoignage. C'est le hadith de cet homme courageux. Et le deuxième, celui qui œuvre des œuvres des gens du feu qui entrent au paradis, vient son témoignage maintenant, son shahid. فهذا أيضا له شاهد في الواقع. Il a également une chose qui l'appuie. يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وقع هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc cela s'est produit également à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم. Qu'un homme œuvrait des œuvres des gens du feu et a fini par être parmi des gens du paradis. رجل يقال له أسيرم ou الأسيرم. Il n'y a pas la haraka comme ça nom propre, je ne sais pas c'est quoi la haraka. أو الأسيرم, je ne sais pas comment on dit. من بني أشهل. Donc c'était un homme qui était parmi les Bani Ashhal. Kafir, munabiz lil da'wa al-ilahiyya dud al-muslimin. C'était un mécréant qui combattait, voyez, la da'wa divine. Et qui était contre les musulmans. Falamma kana fi ghazwati Uhud, kharaja an-nasu fi al-Madina yaghzun. Donc lorsque la bataille de Uhud eut lieu, les gens sortirent de la Médina pour combattre. Alqallahu fi qalbi al-islam, fa aslama wa kharaja yujahidu. Donc à ce moment-là, Allah entra l'islam dans son cœur à cet homme. Alors il sortit avec eux pour combattre. فَلَمَّا حَصَلَ مَا حَصَلَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَقُتِلَ مِنْهُ مَنْ قُتِلَ وَذَهَبَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ فِي قَتْلَاهُمْ وَجَدُوا هَذَا الرَّجُلَ فَقَالَ لَهُ قَوْمُهُ مَا الَّذِي جَاءَ بِكَ فَقَدْ عَاهَدْنَاكَ ضِدَّ هَذِهِ الدَّعْوَةِ أَجْدَبَ عَلَى قَوْمِكَ يعني عصية أو رهبة في الإسلام. قال بل رهبة في الإسلام. وَاقْرِئُوا الرَّسُولَ مِنِّي السَّلَامِ. نعم. فَأَخْبِرُهُ أَنِّي أَشْهَدْ أَنْ لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ مَاتْ. فَأَخْبَرُوا ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَذُنُّ قَالَ إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. Donc cet homme, Tayyib, lors de Uhud, après s'être converti et avoir combattu, et qu'un groupe de musulmans furent tués lors de cette bataille, les musulmans s'en rendèrent auprès de leurs tués pour voir qui restait comme étant vivant et comme ayant été tué. Parmi les martyrs. Alors ils trouvèrent cet homme au milieu des morts, ou du moins au milieu des tués. Il est agonisant. Alors ils lui dirent, qu'est-ce qu'il t'a mis ici alors que tu étais contre cette da'wa? Es-tu venu pour défendre ton peuple, c'est-à-dire les koufars, les mouchidikins? Ou alors es-tu venu par désir de l'islam? Alors il dit, je suis venu par désir de l'islam. Et transmettez mon salam au prophète sallallahu alayhi wa sallam et dites-lui que j'atteste qu'il n'y a d'autre divinité digne d'être adoré si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Allahu Akbar. Et ensuite il mourut. L'homme mourut là-dessus. Alors les sahaba en informèrent le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le shir pense qu'il dit il fait partie des gens du paradis. فهذا الرجل أمضى عمره كله في الكفر ضد الإسلام وضد المسلمين وكان خاتمته هذه الخاتمة عمل بعمل أهل النار حتى لم يكن بينه وبينها إلى ذراع فسبق على الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فكان من أهل الجنة. الله أكبر. Donc cet homme a passé toute sa vie dans le kufr, hein, contre les musulmans et contre l'islam, et pourtant sa fin fut celle-ci. Il œuvrait des œuvres des gens du feu à tel point qu'il en était proche d'une coudée, et pourtant il fut devancé par son livre et se mit à œuvrer des gens, des œuvres des gens du paradis, et il finit par y rentrer. Donc là voilà la bonne nouvelle qu'il faut prendre pour ce hadith, qu'il est effrayant certes, mais cependant ce hadith concerne la niya. Cela revient également encore à la niya, comme nous l'avons pris au début, l'intention. Que des gens, bien qu'ils fassent du bien, ont une corruption dans le cœur, que seul Allah connaît, ce qui fait qu'à bout d'un moment, ils dévient ou ils finissent mal. Et d'autres, c'est le contraire. Ils ont peut-être du bien en eux, qui n'apparaît qu'à la fin de leur vie, et ils finissent parmi les gens du paradis. De là, les savants insistent sur le fait qu'il ne faut cesser de faire da'wah aux gens du faux et aux mécréants, et ne pas désespérer, car il se peut qu'à la fin de leur vie, ils finissent bien, sur une bonne fin. Contrairement à d'autres que l'on voit en apparence sur une droiture, et qu'à la fin de leur vie, ils finissent mal. Et ces choses-là, seul Allah les connaît. Donc de là s'achève le cours. Nous demandons à Allah qu'il fasse de nous, parmi ceux qui auront une bonne fin, parmi les gens du paradis, « ومن الذين يتخذون الأسباب الشرعية » et de ceux qui prennent les bonnes causes pour y arriver. « فنكتفي بهذا القدر ونقول الحمد لله رب العالمين »